le pourcentage de l'insolite. Chimie entre vers, chimie entre lignes. Chimie qui n'existe pas, le dédain de vous éprouver. L'insolite commun, l'insolite de votre conscience, au-delà de vos pensées et dans l'interférence de vos confessions. Verset qui trottait du pied et via de haute la limitation à sa fonction. Verset qui trottait du pied et via de haute du fonctionnement d'expression. Expression bien rangée qui sont plus que les cris de l'incongru. Chimie en travers, chimie entre lignes, chimie qui n'existe pas, l'idée de vous éprouver. L'orthodoxe est routine, la routine ne ressemble pas à la pluralité de projections. Votre capacité n'est pas projetée avec l'habitual de vos actions, mais avec la variation de l'insolite et avec votre travail à la piste. Non polissons les certitudes, non polissons de variation, que dans votre esprit la variation de vos versions coule. L'insolite commun, l'insolite de votre conscience, au-delà de vos pensées et dans l'interférence de votre confession. Chimie entre vers, chimie entre lignes, chimie qui n'existe pas, l'idée de vous éprouver. Jules César, le cavalier.